Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des Palmarès Sifou pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2013. Yo Steph! Yo Matt! How are you doing? Fine! I'm doing fine, thank and you? Thank you! Faut-tu dire thank you? C'est une note de politesse? Ah ouais, mais je suis pas poli en anglais. Non, hein. Je vois ça. Seulement en français, mais en français, t'es vraiment surpoli, donc t'es comme... Surpoli, je suis comme une agate. Oui, une qui a été érodée ouais. Par l'eau. Hey, Roddy! Hey, everybody! Hey, Roddy! OK. Donc, bienvenue au panel assez fou édition complète. Pourquoi complète? Parce qu'on va passer 3 heures ensemble et c'est la version longue pour les gens du jeudi et du dimanche. Vous qui l'écoutez d'un shot, là, vous êtes capable d'en prendre, hein? Comme un shooter. C'est ça. D'ici la fin de l'émission, on va savoir. C'est oui. Savoir, comprendre, slogan de l'université, etc. Si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone, Imaginary Cities et Sooner or Later. Et du côté francophone, est-ce que c'est encore la question avec une année de travail? Ah, je sais pas. Tu vois, les épais là, qui écoutent la version quotidienne, juste en petite dose d'une heure, comme si tu buvais juste un verre de bière, ils n'auront pas entendu ces merveilleuses blagues-là et ces malaises. Et ils vont seulement avoir la réponse dans 2 jours. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite, hein, pourquoi pas, avec la première heure, la première portion, la première tranche, la première pointe de l'émission. Ça en fait des images, hein, tout ça. Voici les Palmarès Sifou, édition New Shit. Bonjour et bienvenue au Palmarès Sifou, édition New Shit pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, vous qui venez d'arriver dans cette première édition des Palmarès Sifou pour la semaine, édition New Shit. Pourquoi New Shit? Parce qu'on a des nouvelles entrées à vous faire entendre. Et voilà. Moi, je mets des syllabes à la fin de mes mots. Entendre. C'est une mode, c'est nouveau. Moi, j'ai tendance à mettre des re partout. Là. Oui, mais on s'appelle Steph et Matre. Ouais. Je me souviens, au secondaire, je faisais une pièce de théâtre et je disais tout le temps d'une minute à l'autre. J'inversais, c'était d'une minute à l'autre. À l'autre. Ouais. D'accord, c'est comme octobre. Octobre. Donc, on va entendre quelques nouvelles entrées, dont Lila Dissa, Deer Tick et Royal Canoe. Adorable nom, ça c'est en passant. Mais on commence en 20e place francophone. Qui est J'aime quand tu m'appelles mon amour de Sonny Duval. Mon Sonny Duval. Au 89 FM, c'est fou. Tu m'appelles mon amour. l'entrée. L'AGE UQTR est fière de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Nouvelle entrée. We'll be right back. ear? Is this ear? This is it. But it's not the way you can afford your time, or the envy of the friends you left behind. So whenever you go, they can have everything you lose. This is it. On vient d'entendre toutes nos nouvelles entrées, 4, 2 de chaque bar. Ça, c'était Dear Tick et The Dreams in the Ditch, une nouvelle entrée en 19e place anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, en 19e place, c'était Tennessee de Lil Adissa. Hey, ça, c'était vraiment bon, Lil Adissa, pour vrai, là. J'ai préféré celle-là à la dernière qu'on a entendue personnellement. C'était Haiku. Non, tu parles okay, non, pas de... Non, je parle de Dare Tick. OK, je pense que tu parlais de la dernière de... Je suis pas encore certaine. Lil Adissa. Bref, Lil Adissa qui va être en spectacle à Satellite Caxton en fin de semaine. Oh! Au Rond-Coin. Ouais. Avant, en 20e place anglophone, c'était Royal Canoe. J'adore cette pièce Bathtub. Ça vire d'un bord puis de l'autre. C'est différents styles musicaux en une seule chanson. Et je pense que tu avais un commentaire sur les paroles. Oui, il n'y a pas de bain dans le corridor, apparemment. Pas de bain dans le corridor. En fait, je pense que c'est ça qui est normal. Oui, d'habitude. Je sais pas comment il est arrivé dans le corridor. En fait, hey, il n'y a pas de bain. On pourrait écrire une toune là-dessus. Où mettrais-tu un bain dans la vie? Mettons, tu avais à choisir une place où mettre un bain. Un bain? Ah, oh, dans ma chambre à coucher. Vraiment? Un spa, peut-être? Non, j'aime pas les spas. Non. Ça me donne mal à la tête. Les bulles. C'est comme la liqueur. Les bulles, ça donne mal à la tête, ouais. Du champagne et tout ça. Non, mais me semble un beau bain sur pied dans la chambre à coucher. Me semble que c'est le rêve de tous, non? En effet. J'ai rien à dire de plus. Je peux pas battre ça. Parce que dans le salon, me semble que c'est gênant qu'il y ait de la visite. Sinon, il faudrait inventer une place, une pièce, en fait, où mettre le bain. Moi, j'appellerais ça, mettons, une pièce de bain. Mettons la chambre de bain. Chambre de bain. Ça va être un beau mix entre chambre et salle de bain. Salle de bain, ouais, mais ça, c'est salle de bain, c'est bizarre parce que c'est ironique, tu sais. Bain, c'est pour être propre. Fait que salle de bain, ça marche pas. Ah, ouais. Non, moi, je trouve que c'est pas winner, pas en tout. T'es pas une visionnaire comme moi, toi. Désolé. Donc, on vient d'écouter 4 nouvelles entrées dans les palmarès de C'est fou cette semaine. Et qu'est-ce qu'on fait quand on écoute 4 nouvelles entrées? Stéphanie Paradis, question numéro 1. Je crois, mon cher Mathieu Plante, qu'on pâme ma rest in peace. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis le précédent palmarès. Hein? Ouais. Attraper ton cœur. Amour d'amour, qu'est-ce que tu dirais? Amour d'amour, si on s'unissait. Amour d'amour, le vrai, le vrai. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, nous. You know that you don't have to. You can just say no. Turn me round. There ain't no one going to turn me round. There ain't no one going to turn me round. Just y'all say what Matt says. Every time I listen, voices in my head. Just y'all say what C'était des extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 23 au 29 septembre 2013. On a donc dit au revoir à Haïku de Lila Dissa qui est resté 7 semaines. Mm-hmm. Sonny Duval et Amour d'amour qui a duré 4 semaines. On a Kiki Out de Ballade of El Gudo de Zeus qui est resté 7 semaines. Excuse-moi. Et on a dit Ciao Bye ou Chain Bye. Alice in Chains Bye. You know. Voices. Ça a duré seulement 4 semaines. Pour vrai, ça n'a pas fait fureur. Je suis d'accord. Ça laisse un malaise comme ça quand je veux dessus. C'est plate, c'est 4 semaines, c'est pas bien long. Par contre, les deux premières, Lila Dissa et Sonny Duval, ben, ils ont effectué un retour. Oui, mérité. C'est ça, un retour reflux d'acidité. C'est... Un retour gastrique, retour c'est gastrique. Dégueulasse. Un retour de boyau, de tuyau, je sais pas. Ah! Je sais pas, plombier. Bref. Craque de fesses? Ouais, bon, pas sûr de celle-là. On efface ça. On laisse faire. On revient dans le temps. Ouais. On revient dans le temps, et on revient au palmarès. Édition, New Shit, évidemment. Et on a fini les nouvelles entrées. La semaine passée, il y en avait 10, 12, 12, je pense. Je m'en souviens pas. Il y a eu beaucoup de nouveautés depuis les dernières semaines. Seulement 4 cette semaine. Donc, on n'est plus dans le nouveau. On est même dans le vieux stock. Pour l'entendre, les 18e places qui sont là toutes les deux depuis 8 semaines. En anglais, c'est Said the Whale et I Love You. Et ce côté francophone, c'est L'Orpheline de Caféine. C'est pas mal. C'est fou. Édition New Shit. Puis ça commence de même, garçon. J'ai buzz. C'est des fusillades. Tu tombes pas à terre comme tu étais supposé jouer les morts. Non, je joue pas à ça. Je pense à l'âge. Tu me traites de bébé, là. Oui. Soleil. En toi la guerre qui colle, toi qui me défends, qui souhaite ma mort, toi qui n'as plus l'homme de faire les charmes, les éléphants qui parlent. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 18. When I know that I had a brother, I made up a penance for you. We'd be crime fighters together and do things that brothers do. When you told me about his mother and all that she'd been through, what could I do? C'est le Well et I Love You, un ancien numéro 1 maintenant en 18e place anglophone. Pied donc bon! Ah, dis-moi quelque chose que je sais pas, man! Le soir, avant de me coucher. Non! Du côté francophone, on a entendu L'Orpheline de Caféine. Oh oui, ben deux vétérans, ils sont là depuis 8 semaines. Et quand on parle de 8 semaines, ça parle de 8 palmarès. Donc ça s'étire jusque dans le milieu de l'été, tu sais. Oui, oui, oui, c'est, ça fait longtemps, là. C'est un petit peu longtemps, t'sais. Mais ça reste très, très bon. Ok, oui. C'est comme certains plats qui vont pouvoir garder ta nourriture au frais très longtemps dans ton réfrigérateur. Qu'est-ce que tu peux garder longtemps dans le réfrigérateur sinon de la bière? Qu'est-ce qui reste longtemps dans le réfrigérateur? Tu as pas la petite mousse dessus? La moisissure, ça reste longtemps. Oui, souvent. Une fois qu'elle est là, elle est là. La petite peau, la pelure d'oignon okay. Dans le fond du tiroir, dans du bac à légumes. Bien. La bicarbonate de soude qui enlève les odeurs. Souvent, tu l'oublies dans le fond. C'est vrai, c'est vrai. Le petit fond de relish dans le pot que personne ne veut prendre parce que c'est dégueulasse. On prend la relish une fois par année. Ça. Non, mais tu sais, pour vrai, la relish, quand il reste un petit fond, tu te demandes si c'est encore bon, mais c'est déjà vert. Comment je fais pour le savoir? Je vais le laisser au suivant. Ben, c'est un peu comme une bière où tu as bu jusqu'au fond, il reste juste de la bave. Moi, évidemment, pour le relish, je me le sac dans la gueule tout le temps. Fait ben qu'il oui. Y a de la bave au fond. Ça. Ben oui. Oh, ma belle-sœur, très sympathique. Il restait juste un petit fond de lait. Fait qu'elle en a mis dans son café. Fond de lait! Ça l'a goûté comme, tu sais, le suri. Oui. Fait que qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a remis la pinte dans le frigo. Fait que moi, j'en ai mis dans mon café et je me suis aussi comme intoxiqué la bouche. Yeah. Je fais comme, merci. Merci. Suri, ton lait a suri un peu comme la fille de Tom Cruise et Katie Holmes. Là. D'ailleurs, quand t'es pas fine, vu qu'ils sont dans l'église de Scientologie, eux aussi, il y a un sac dans le frigidaire et ils l'oublient. Ils okay, sacent la fille dans le frigidaire. Je pensais que t'allais me parler de Bruno Suri. Ah non, c'est Bruni Surin que j'ai inversé. Bruno Suri. OK. Donc, on est rendu aux positions numéro 17 du côté anglophone. C'est The Dang. C'est leur nouvelle entrée de la semaine passée, Experimental Fiction. Et du côté francophone, ça a monté de 3 places. Tant pis pour nous de Bravo Funken. Pas mal, c'est fou édition. New shit. Yeah. Sur les craques du trottoir, cueillir les fleurs qui poussent dans le noir. Experimental Fiction, une nouvelle entrée de la semaine passée par The Danks, maintenant en 17e anglophone. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Tant pis pour nous de Bravo Funken. Mm-hmm. Et définitivement, c'était un excellent bloc, ça. Ben vraiment, hein, t'as tout cassé. Hein, c'est pas comme des œufs, mettons, que tu casserais lors d'une recette que tu regardais peut-être pendant la chanson. Oui, est-ce qu'il y avait un œuf? Oui, il y avait un œuf légèrement battu. Il y a tout le temps un œuf légèrement battu. On entend rarement ça, légèrement battu, à part pour un œuf ou une femme. Je trouve que c'est un gag vraiment dégradant. Ouais, je sais. Hey, justement, parlant de gags dégradants, ils ont déjà... Non, mais je pense que c'était une publicité qu'il y avait dans les vieilles années où les femmes n'avaient pas vraiment de droits dans la vie. Et il y avait un gag douteux dans une publicité de Labatt. Et c'était comme... Oh non, pour vrai. C'était comme one joke. Ouais, mais en tout cas, t'sais, si on sort un an, c'est pas pour Labatt, mais en parlant de sa femme. Non, c'est poche. Hein? Non, ouais, c'est ça. C'était un peu hors contexte expliqué comme ça. Là, mais bref, c'est une joke de femme battue. C'était... Déplacé. Ça passait bien dans les années 70. Ouais, c'est ça. Mais de nos jours, non, jamais j'accepterais ça, moi, personnellement. Une femme battue? Non, une blague, ça. Aujourd'hui, c'est plus les hommes battus qui sont à la mode, je trouve. C'est vrai. Ben, pas à la mode. Oh oui. OK. Oh oui. Donc, on est rendu au 16e place du côté anglophone. Ce sera Beja Boulat et Promise Not to Think About Love qui monte de deux places et qui était nouvelle la semaine passée. Et du côté francophone, aussi nouvelle la semaine dernière, L'art pour l'art de Midi Cayenne Club. Au palmarès, c'est fou édition. New shit! Ah. Des blagues de caca, par contre, très bien. Oh oui, ça passe tout le temps. J'ai ramassé une guitare, je sais pas si je crois à l'art pour l'art, parce que j'ai honte de notre monde, parce que je voudrais le guérir avant d'en mourir. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer, pour faire naître les rires, pour couper les barbelés, les faire sortir de l'enfer, ces fillettes prises à mendier. Je suis-tu aux prises avec ma carrière, je suis-tu un idiot en dimanche? To think about love, but to see the way you play, I have taken a vow. Now I want to hear you say, are you trouble at all? If I make no hesitation when you ask me not to think about love, I don't think about love. When I see you kiss another, it won't matter. I don't think Promise Not to Think About Love par Beja Bulat, position numéro 16, Salon de 2 en anglophone. Et du côté francophone, L'Art pour l'Art de Midi Cane Club. Hey, ça, c'est un petit bloc, hein, fesses serrées, hein, ça durait quoi, 2 minutes et demie, tout ça? C'était Quickie? Quickie Edition! J'aime pas ça, des blocs trop rapides comme ça, quand t'aimes la chanson, tu veux qu'elle continue plus longtemps. Mais oui, mais on pourrait la mettre sur repeat. Tu pourrais sûrement nous arranger ça dans le studio, là, la coller, là, faire un petit loop avec la toune. Ouais, ouais, ouais, ouais. On la met sans arrêt. Comme nos fonds, là. On aurait le temps d'aller chercher un café. Oui, c'est ça. Ou, ouais. Oui. Et faire un gros blanc en ondes, mettons, faudrait pas que ça fasse ça. Hein? Moi, j'ai pas parlé d'absolument rien de blanc en ondes. Non, jamais, jamais, jamais. Non, j'ai même pas pensé avant que tu fasses une face bizarre. Tu sais, je suis mis mauvais souvenir. Position numéro 15, on les saute. Ah, regarde ça. Un blanc. C'est un peu plate, hein? Blanc d'œuf, c'est bon, ben. C'est pas raciste, parler de blanc comme ça, sans... Plus sûr. Donc, on saute par-dessus en 15e anglophone, Caveman et In the City qui descend de 3 places. Et du côté francophone, c'est on saute par-dessus Coup de vent de Summerland. Excusez, j'ai de la misère à lire parce que je l'ai barbouillé quand ouais, on sautait. C'est ça. C'est bien logique que tu fasses ça avant. On y va donc tout droit au 14e en anglo. C'est Monster Truck et The Lion qui montent d'une place. Et du côté francophone, ça a descendu de 11 places, je crois. Ces bottes sont faites pour marcher de Michelot. Ça, c'est bon. Puis ça commence à l'instant. On parle de Récifou édition. Et je crois que c'est New Shit. Oh. Eh bon, c'est un classique. Oui, en français, je l'aime moins bien. Mais non, elle est bonne. Elle est bonne. Arrête de chanter en anglais. Je te confirme qu'elle est bonne. OK. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu m'as. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. C'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme. Et toi dans la vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher. Et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour. Monster Truck et The Lion. Position numéro 14 anglophone. Ça monte d'une place. Yeah. Et du côté. Ça finit comme toutes les chansons de rock, mais bon. C'était Ses bottes sont faites pour marcher de Michelot. Ouais. On est presque à la fin de cette portion New Shit des Palmarès C'est Fou, donc on va devoir sauter par-dessus quelques affaires. Hein. On va sauter en anglophone par-dessus Paper Maps et The Hedonist qui montent de place en 12e anglo. Et du côté francophone, on va sauter par-dessus les places 11 à 13. Donc la 13e place, La Fièvre des Fleurs de Clopel Gag, la 12e Dans cette vie de Félix-Antoine Couturier et la 11e place, Femme de Le Couleur. On a donc choisi les pièces qu'on voulait entendre. Moi, j'ai choisi la 11e place anglo, qui est Battering Ram de Pack 80. Et moi, j'ai choisi en 13e anglo, Fur Trade. Voici Don't Get Heavy. Ouh, pas mal, c'est fou! Don't get heavy. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. Well, there are bombs in my eyeballs. Battering Ram de The Pack AD, position numéro 11, choisi par Stéphanie. Et tout juste avant, on a entendu Don't Get Heavy de Fur Trade, qui était ton choix, Mathieu. Merci, ah, quelle complicité. Ça ne s'invente pas, ces choses-là. On se retrouve ça dans quelques minutes ou demain, pour les gens qui nous écoutent dans la version quotidienne. C'est dans du lundi au mercredi entre 17h et 18h. Sinon, on est les jeudis après-midi, les dimanches, midi. Voilà. À plus tard. Bye. Bye. Bonjour, bienvenue à l'édition Top 10 des Palmarès Cifou pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Enchantée, madame! Enchantée? Madame est servie! Mame est servie. Madame est servie, mame est servie. Tu sais, c'est comme avec Tony Denza dans les années 80. J'étais pas née début 80, hey! Mi-80 non plus. C'est pas parce que t'étais pas née que c'est pas bon, là. J'ai pas dit que t'étais pas bon, j'ai dit que t'étais vieux. Merci, t'es fine. Donc, dans cette édition Top 10, on va avoir évidemment le Top 10 des Palmarès C'est fou, c'est soit dit en passant dans le titre. Donc, on a aussi une entrevue avec Peter. Non. Je te le jure. Il y a un jeu de mots incroyable en plein milieu de l'entrevue. Faut rester là pour ça, c'est débile. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment à peu près dans l'entrevue? Non, j'ai pas regardé, j'aurais dû s'arrêter le fun. Hein. Ben oui. Ouais. On va aussi avoir les instants classiques d'assemblage requis, mais pour l'instant, en 10e place anglophone, c'est Rara et Twinnies. Et du côté francophone, ça a monté de 3 places. On s'en va entendre les coloriers d'Alex Nevsky. Faut pas m'arrêter, c'est fou. Dis-moi si j'ai tort en lui.

Bear Mountain Two Step descend de deux places en 9e en lourd. Et de côté franco, c'était Princesse Carnivore de Violette Pie. Au retour, plus de musique et aussi notre entrevue avec Peter. Peter. Dis deux fois. Ça, alors, je ne gâcherai pas le jeu de mots, il est dans l'entrevue. Là. Attendez-le, il vaut la peine, ce jeu de mots-là. Attention. Arrange-toi pas que le monde soit déçu. Là. Pas mal ça, je fais dans la vie. Hein. CFOU 89.1. Oh, ça groove, c'est yeah, yeah. C'est chill, c'est nice, c'est taste, lounge, comme c'est dirait. Lounge. Jean-Philippe a dit taste tantôt. Taste? Taste. C'est au goût. Tu trouves pas que ça donne le goût de fumer un cigare et boire un scotch on the rock? Bonne idée. Fume pas, j'ai jamais vraiment bu de scotch, mais j'ai comme le goût tout d'un coup. Ce serait fun, ce serait de boire du scotch on the rocks avec AJ on the rocks, Angie Durocher, de l'AGE et la chroniqueuse d'Assemblage requis. Et voilà. Et puis dans l'AGE, on pense à Forêtis. Mais d'Assemblage requis. OK. Donc, tiens, plus tôt ce mois-ci, en fait, il y a quelques jours à peine, on a reçu notre ami Peter. Notre ami? Notre, oh, t'es rendu chum avec, toi? Ben, moi, je l'appelle Bro. Bro. brother, au lieu de Peter, je l'appelle la même. Ah, ouais. Reculons un petit peu de notre chaise pour aller entendre Peter. Bonjour, Peter. Hello. Ça va bien? Ça va bien, toi? Est-ce que je peux t'appeler autrement que Peter? Est-ce que tu veux que je t'appelle? Ouais, tu peux, juste Peter, c'est correct. OK. Ouais. Pierre Saint-Pierre? Non. Non. Est-ce qu'on peut savoir, tiens, que première question, littéralement comme ça, j'imagine que tu te l'as fait poser souvent, mais Peter, ça vient d'où? C'est mon prénom. Ça fait vraiment longtemps, je sais pas pourquoi. J'avais peut-être 21, 22, puis vraiment longtemps, c'est pas si longtemps, mais je sais pas, je m'appelais. Je voulais pas comme. J'avais des bands, les premiers bands que j'ai eus, puis dès qu'on faisait des démos, je me suis dit, je mettrais pas mon nom de famille, tu sais. Surtout que mon père avait jamais vraiment été dans ma vie, là. C'est une corde sensible. Je comprends. Mais, je voulais juste pas, en fait, mettre mon nom de famille nulle part. Fait que je trouvais juste ça intéressant de répéter mon prénom. Je suis enfant unique, fait que ça représentait un peu la solitude. Plein de choses comme ça, puis j'avais pas vraiment pensé, puis à un moment donné, c'était juste, j'ai pris pour acquis que ce serait jamais mon vrai nom de famille, fait que je le dis pas, tu sais. C'est vrai, correct. Puis c'est devenu un petit peu à la mode par après aussi, ouais, avec les groupes Mother. C'était à refaire. tu choisirais autre chose? Non, dans le sens que j'aime mon nom, c'est juste que là, j'ai l'impression, pour ceux qui viennent juste de me connaître, j'ai peur qu'ils pensent que c'est moi qui ai décidé comme de... que je trouvais ça le fun, les noms doublés, tu sais. Mais moi, mais ça me représente bien aussi, juste de... Ouais. Juste d'enlever le patronyme comme ça. Puis, ouais, c'est cool, j'aime ça moi aussi. Donc justement, tu parlais de ton début de carrière quand tu étais dans des bands. Donc si on peut faire un petit retour, tu étais dans un groupe de rock alternatif avant de faire carrière solo. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ta carrière au début pour ceux qui te connaissent moins? Ouais, ben c'est ça. Écoute, moi quand j'ai commencé, ben, c'est pas quelque chose qui a émergé. C'était des amis et moi... On faisait, eux étudiaient en musique, moi j'étudiais en cinéma, j'avais jamais vraiment fait de musique, je jouais pas de guitare à l'époque, puis ben on se réunissait dans un local, dans le sous-sol, juste un classique, là, dans le sous-sol des parents de notre batteur, puis on buvait beaucoup d'alcool, puis on faisait des shows dans des bars, on buvait aussi beaucoup d'alcool, on brisait de l'équipement, c'était du grunge qu'on faisait quand même, puis... ça a été l'école, honnêtement, de la musique pour moi, puis ça a été une très belle époque, même si le band, tu sais, ça menait vraiment à nulle part. La qualité était pas nécessairement là. On s'en foutait un peu. C'était vraiment une question, c'est de la camaraderie, puis je suis très content qu'ils m'aient laissé même rentrer dans ce band-là, parce qu'eux avaient tous un peu d'expérience. Ils étudiaient là-dedans, comme je disais, puis moi, j'étais le néophyte à la musique, puis j'écrivais de la poésie, puis je chantais pas, tu sais, je chantais mal, tu sais, puis ils m'ont laissé quand même faire partie de leur band, tu sais. Ça a été c'est hyper flou pour moi, tu sais, je veux dire, ça a été, la première école, c'était ça, tu sais, c'était faire des shows qui payaient pas, sans faire exprès, on brisait l'équipement, finalement, on devait de l'argent, on payait pour jouer, puis... Non, mais ça a été dans les meilleurs moments que j'ai eu de ma vie quand même. Qu'est-ce que tu écoutes dans la vie, mettons? Là, que, est-ce que le rock t'intéresse toujours? Tu disais que tu fais du rock alternatif. Est-ce que ça fait encore partie de ta vie ou est-ce que tu es passé à autre chose musicalement dans ce que tu as? J'écoute beaucoup de choses. T'sais. C'est sûr que j'écoute pas que du rock. Puis j'écoute pas. J'écoute majoritairement de la musique anglophone, ça c'est certain. J'écoute de toutes les époques, là, soit de 60 à maintenant. Je suis un nostalgique, c'est sûr, des années 90, des années 80. J'écoute Phil Collins, autant que dans les 90s, je pourrais écouter Eric Stripp, que j'écoute des bands plus low-fi des années 90, Slacker Rock, Jean Pavement, des choses comme ça. Puis, sinon, des groupes d'aujourd'hui, Mac DeMarco, j'écoute un peu de tout. Là, okay. Ouais. Et justement, tu dis que tu écoutes surtout de la musique en anglais. Comment est-ce que ça s'est passé, la transition entre l'anglais et le français dans ta carrière solo? Pas mal juste en français, finalement. Ouais, ça a été difficile. À part mon prénom, ça, je le traîne depuis longtemps, tu sais. Mais ça a été difficile, très honnêtement. Au début, quand je faisais la musique en français, j'écoutais ça, ça sonnait vraiment forcé, honnêtement. Ça me décourageait. J'étais là, je pourrais jamais en faire, tu sais. Puis finalement, j'ai vraiment bûché fort. À chaque fois, j'enregistrais des démos. Sur le coup, j'aimais ça. Un mois plus tard, je trouvais que c'était de la pure merde. Après ça, fait que ça a vraiment pris du temps avant d'avoir un son que j'aimais, que le phrasé que j'aime aussi, qui se rapprochait de l'anglais. Finalement, c'est ça mon but. L'anglais, il y a une raison pourquoi c'est international et tout. Je dirais, c'est que ça communique vraiment bien la musique. C'est hyper expéditif. Puis j'ai trouvé finalement qu'en français c'était possible de le faire, qu'il y ait la même musicalité, puis fait que ça a été difficile le switch de faire autre chose que de la poésie. Pour moi, c'était de la poésie, c'est ça. Le français, c'était pas. Puis sinon, c'était de la chanson, mais c'était pas comme. C'était pas vraiment des chansons justement comme des tunes anglophones, tu sais. C'était pas aussi accrocheur, maintenant. Non, parce c'est que c'est de la bonne chanson française, ouais. Tu sais, comme l'école de la chanson, c'est ouais. Vraiment ça, tu sais. C'est quelque chose de très narratif, tu sais, la chanson francophone, que j'avais le goût de retrouver la même musicalité puis les mêmes mélodies qu'en anglais, mais dans le français. Fait que c'était compliqué. Ça fonctionne très bien. Pour vrai, j'avais comme pas vraiment accroché sur cette idée-là que ta chanson sonne un peu comme un refrain typiquement anglophone. Ouais, mais c'est ça, les accents toniques sont presque au même place dans les mots, tu sais. C'est comme ça que j'ai trouvé le moyen, tu sais. C'est. Tu sais, comme je donne l'exemple des fois de Chemins étoilés, tu sais. Quand je dis radio, tu sais, je dis radio, tu sais. Radio. Trois syllabes, genre. Exactement, tu sais. C'est con, mais tu sais, à un moment donné, c'est la musique qui. La musique oblige, tu sais. C'est la musique qui oblige ça. Je laisserai jamais comme. La poésie ou la langue se mettre entre la mélodie et les arrangements. C'est important que tout coule, tout soit fluide. T'as parlé d'écrire tes chansons. Les filles, c'est sûr que les filles m'ont... Les sentiments, tu sais, je dis les filles. Je veux dire, les choses qui nous font... qui font palpiter les sentiments, je pense que pour moi, c'est la source première de mon inspiration. C'est sûr... d'être dans un état contemplatif aussi, vivre des nouvelles choses, toutes ces choses-là, pour moi, c'est important. La nouveauté, c'est ce qui fait le plus de chansons, je pense. Des sensations par compliment, je pense. Ouais. C'est le nom des produits chez Metro. Ouais. On retrouve beaucoup de saxophones dans tes pièces. Ça rend ta musique, mettons, assez originale pour 2013. Mettons qu'on n'entend pas tellement de saxophones dans les pièces de nos jours. Qu'est-ce qui t'attire dans le saxophone? C'est ça, le saxophone, en fait, la première fois que j'ai reflashé là-dessus, ça a été pendant un show d'un band canadien qui s'appelle Destroyer, un band que j'adore, qui a sorti un album en 2011 ou 2012 qui s'appelle Caput. Je les ai vus live, j'ai connaissé des anciens albums, mais j'avais jamais vraiment écouté. Je connaissais le nom, je suis allé les voir au Cabaret du Milan à Montréal, puis il y avait du saxophone, plus il y avait... un autre cuivre, je me souviens pas c'était quoi, mais je trouvais ça incroyable. Après ça, en me promenant dans la rue, bizarrement, j'entendais, mettons, je marchais devant un dépanneur, j'entendais les radios jouer, j'entendais toujours du sax. Fait qu'en est, c'est devenu à m'obséder, puis j'ai trouvé que c'était comme... Il y a pas d'instrument qui peut blower plus que ça. Même une guit, même un solo de guit, quoi que là, je suis revenu d'un solo de guit, je trouve ça intéressant, puis... Mais solo de sax, c'est comme c'est la démence, en fait, c'est comme la folie. Pour moi, ça représentait ça. Fait que pour mon album, tu sais, au lieu de m'époumoner à gueuler pour montrer à quel point je souffre ou que je suis heureux ou ben que je suis confus, ben c'est le sax qui part dans des envolées, puis je trouve que ça traduit bien comment je me ressens, ouais. En fait. C'est très particulier, c'est le fun. Parle d'instrument, question vraiment que je sais pas trop comment la poser. Je lisais quelque part, est-ce que tu collectionnes les claviers ou tu as ramassé des claviers? En fait, ouais, ben ça, il y a des gens qui sont plus collectionneurs que moi. Premier album était vraiment basé sur la guitare. Je m'étais acheté quelques claviers, mais des claviers d'aujourd'hui, genre des micro-cords. Tu sais, des claviers à 400-500 piastres, tu sais, neufs, tu sais, que tu achètes dans n'importe quel magasin de musique. Puis, je sais pas, je me suis mis à... J'avais le goût au début quasiment de faire quelque chose d'hyper gothique, justement, avec soit de l'orgue ou... Puis là, j'ai découvert des vieux synthés des années 80, finalement, qui fait de la musique de film des années 80, tous les trames sonores, tu sais, autant comme Vangelis que John Carpenter, tout ça. Fait que j'ai acheté comme des Juno, Juno 60, Juno 106, je me suis équipé de ça... Pour tourner le show aussi, je les ai en live aussi. C'est des claviers qui ont à peu près mon âge, tu sais, puis qui ont forgé mon enfance, finalement, parce que tout l'univers du cinéma, des trames sonores, c'est ces claviers-là. Fait que, ouais, j'en ai quelques-uns. J'aimerais s'en avoir plus. En donné, c'est un petit peu compliqué. On achète... les musiciens sont tous pareils un peu. Ouais, je collectionne ça. J'ai vendu des guitares, en fait, pour m'acheter des claviers. Okay. Fait que tu vois le genre, là. C'est, ouais. Quand je pars sur quelque chose, c'est un peu mon problème aussi, là. Fait que... je suis revenu à la guitare, mais je vendrai pas les claviers. Je ferai pas l'erreur parce que je vais m'en ennuyer. Je serai aussi. récent, date de 2011, c'est bien ça? Ouais. 2011? Non, 2012. 12, en fait. Okay. Ouais. Donc, une version améliorée de La Tristesse, c'est son titre. Avec qui est-ce que tu as travaillé sur cet album-là? Au début, j'étais parti pour le réaliser seul. Le premier album, j'avais eu un réalisateur. Le deuxième, je voulais me prouver que j'étais capable d'amener ça où est-ce que je voulais. Puis, fait que j'ai travaillé avec un sound engineer qui s'appelle... un ingénieur de son. Ouais. Ouais. J'étais tellement habitué à regarder des pochettes de disques anglophones. Non, mais c'est ça. Pascal Chef-Stechy, c'était au studio Pierre Marchand que j'ai fait ça avec lui. Puis on était rendu peut-être à mi-chemin dans l'album. Puis Emmanuel Etier, que j'avais vu à Paris dans le temps pour... il jouait avec Cœur de Pirate, puis il était là pour une tournée, puis moi j'étais là pour aller jouer au Printemps de Bourges, puis j'étais en plein processus de l'album, puis j'avais dit viens donc faire des strings, tu sais, parce que c'est lui il fait comme du violon, tout ça. Fait qu'au début il était supposé de rentrer juste pour faire les arrangements des strings, finalement. Finalement, je voulais qu'il arrange l'album, fait que finalement il a fini co-réal et co-arrangeur de l'album, alors que l'album était à mi-chemin, puis ça m'a aidé à débloquer sur plein de pièces, vraiment. Puis justement, les bons... je trouvais qu'il y avait une écoute particulière, puis qu'il focussait sur les bons trucs, puis qu'il réussissait vraiment à déceler qu'est-ce qui clochait. Des fois, j'écoutais des trucs, je dis ça cloche, tu sais. Il y a quelque chose qui, pas nécessairement, c'est pas nécessairement que c'était dissonant, mais c'était juste pas ça que je voulais faire. Puis lui, il savait toujours replacer ça bien. Fait que j'ai, ouais, très content d'avoir travaillé avec lui. Cool. T'as parlé de Cœur de Pirate. T'as aussi travaillé avec Baja Boulat. Ouais, Baja Boulat. Ouais. Ben voilà. Ouais, elle a chanté sur mon premier album. Exact. Trois pièces. Elle a même fait. Elle est venue en studio, sérieusement. Elle a été vraiment prolifique parce que. Elle est arrivée, elle a fait le piano sur une pièce, elle a fait des trois bacs vocaux sur trois pièces différentes, tu sais. Puis elle a fait ça avec en plus sa gentillesse et son c'est une fille rayonnante, ouais. Fait que, comme elle est arrivée dans un recording d'un album hyper triste, puis elle rayonnait, c'est très le fun, premier album, ouais. Elle est très très bonne. Ouais, et de retour sur notre panorama, juste une parenthèse comme ça. Comment est-ce que toi tu l'as prononcé son nom, parce que moi j'ai cherché sur internet. C'est Baja Boulat. C'est okay. Ça. Fait qu'on dira Bula. À Internet. Ah ouais, on dit Bula, tu vois, comme même Bula. Moi, je l'ai. Bula, ouais. OK. Ouais. Internet avait tort. Ouais. Ouais, non, mais. Ouais, il y en a qui disent Bastia, il y en a qui. Ouais, c'est. En tout cas. C'est une parenthèse, hein? Ben ouais, c'est bien, c'est une belle parenthèse. Mais donc, on disait que tu as travaillé avec ces gens-là. Avec qui est-ce que tu aimerais chanter sur ton prochain album, mettons, si tu avais à choisir mort ou vif, genre? Ouais, quelqu'un de mort. Quelqu'un de mort, évidemment. Mais oui, mais là, facile. Sérieusement, je ferais quelque chose de très glauque. J'aimerais ça. T'sais, imagine, tu ramènes un mort vivant, puis il chante. Tu ramènes une voix. Quelqu'un de mort. Ouais, juste. Peu importe. Même si je sais pas chanter pendant tout. Ouais, je m'en fous. Il est mort. Quelqu'un de mort. Un beau petit saut de blablabla. Je ferais chanter Jésus, probablement. OK. Je ferais quelque chose de... Si tu me donnes le choix, tu sais. J'ai ici. Donc, une version améliorée de La Tristesse a été récompensée par plusieurs publications. Là, on n'embourbera pas de tous les détails, là, mais genre, meilleur album francophone de l'année dans le top des six de Nightlife Magazine, voire. Est-ce que tu te sens genre obligé de travailler dans le même sens pour le prochain album ou est-ce que tu vas... Y aller dans le sens que tu as envie d'y aller, pareil. Bonne question. C'est sûr que j'ai un petit frein par rapport au troisième parce que c'est ça, je sors l'album en France en janvier, ouais. Avec Sony Arista. Puis, fait que je sais pas c'est quand que le troisième va sortir. T'sais. Disons que pour l'instant, c'est sur la glace parce que c'est sur la glace. Okay. Mais je compose beaucoup plus de guitare, en fait. Plus de guitare que de clavier, ça, c'est certain. Le piano, je m'y intéresse de plus en plus parce que vraiment. Pour le deuxième album, j'ai commencé à jouer du piano, juste faire des accords. Je suis pas capable de jouer live. Fait que je suis vraiment dans des vieux bands. C'est en City Television, The Cars. Ouais, c'est en City, je suis quand même assez classic rock, en fait. Okay. Puis c'est ça qui m'inspire. Il y a le côté aussi traîner de l'équipement en tournée. On dirait que ça m'a amené à... J'ai le goût de faire quelque chose plus guitare électrique, voix, tu sais, comme... Juste, on dirait que c'est con, mais tu sais, comme revenir à l'essentiel, t'as pas besoin d'avoir un truck de 10 pieds. Pour, on n'a pas un truck de 10 pieds, mais on a une van, puis mettons qu'elle est pleine, là, pas mal. Là. Fait que revenir à quelque chose de plus minimaliste, peut-être, mais tu sais, comme je dis, quand je pars sur quelque chose, ça se peut que demain je parte sur un autre trip. Ben, c'est le fun, en même temps, faut vivre la vie dans le présent. C'est ça, on fait pas tant beaucoup d'albums dans la vie, fait que je pense que l'important, c'est d'aller où on veut avec ça. Combien tu penses en faire dans ta carrière? Je sais pas, bonne question. Ouais. Je veux même pas répondre à ça. On va rester dans le domaine musical. Avant de passer à la France, tu viens de sortir un vidéoclip pour la pièce Carousel. C'est quoi le concept avec qui tu as travaillé là-dessus? C'est avec Gabriel Brotardi, je me trompe pas, c'est BT, tu sais. Aujourd'hui, BT. avec les abréviations Facebook. Mm-hmm. Puis John Londono, en fait, qui avait fait mon premier clip, puis mes photos de une version améliorée de la tristesse, mm-hmm. en fait. C'est un travail qu'on a fait à plusieurs là. On a été tourné. La première journée de tournage, c'était assez épique en fait. On est allé dans un sous-sol d'église. C'était mon idée quand même, je tiens à le souligner parce que la lutte, ça m'a toujours fasciné. On est allé dans un sous-sol d'église voir un match de lutte. Puis ils nous ont laissé filmer, c'est incroyable. Après ça, on est allé dans un karaoké avec des amis, puis on a bu pas mal, puis on a pris des shots de ça. Ensuite, John a décidé de filmer des petits gars qui faisaient du skate. J'ai dit, ben vas-y, tu sais, fais-le. Ça va vous faire de la variété dans le clip. On a fait un clip avec ça. Ouais, ouais. Est-ce que tu as trouvé ton nom de lutteur en même temps, dans Cargaret? Non, je sais pas quel genre de lutteur je serais, mais je sais pas si je serais gentil ou un méchant. Mm-hmm. J'espère que ça dépendrait, en fait. J'aimerais ça être, tu sais, des deux côtés, ouais. Ouais. Ça, tu pourrais être deux personnages, c'est Peter, ouais. Le bon, puis ouais, Peter, exactement. Le méchant. Ouais. Ouais, ça serait pas pire, ouais. Peter et Peter. Uh-huh. Donc, revenons à la France, dont on a un petit peu frôlé le sujet tantôt. Tu as passé une bonne partie de l'automne en France, parce que ton album, Une version améliorée de la tristesse, sort là-bas. Comment est-ce que tu vois tes débuts en Europe? Est-ce que c'était ton rêve, genre, d'aller en Europe ou international, worldwide? Mon rêve, c'était de voyager, ouais, okay. Parce que tu vois, tu sais, depuis que je fais de la musique, j'ai pas beaucoup voyagé. La musique m'a permis de voyager, mais dès que j'ai commencé à en faire, c'est que je mettais pas d'argent là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, j'en mettais justement à acheter des guitares, acheter des pédales, acheter des amplis. Fait que pour moi, c'était vraiment... Dès que j'ai commencé à voyager avec la musique, j'ai fait, OK, j'ai l'impression que c'est le premier objectif que j'ai réussi à atteindre, ça a été de voyager. Tu sais, c'est quelque chose que je me privais. Tu sais. Fait que ça a été la réussite pour moi. Fait que ouais, c'est sûr qu'aller habiter là-bas, surtout comme je vais faire, c'est de recommencer à zéro, c'est toujours un fantasme que j'ai tout le temps. Tu sais, j'adore ça quand je suis dans une ville tout seul, puis même que le band n'est pas là, puis que je glande pendant des heures dans un café, puis je connais personne. Tu sais. Fait que pour moi, là, habiter à Paris, faire ça, c'est une chance inouïe, ouais. C'est ça, justement, tu déménages là complètement, là, ouais, t'amènes tout comme ben, si... Je, c'est sûr, je suis sous mon appartement, okay. J'apporte justement tous les 10 claviers qu'on disait. Ouais. Je les apporte là-bas, j'ai un petit appart réservé, puis pour les deux premiers mois. Ensuite, ouais. Je reviens ici pour Noël, puis après ça, je repars pour 3-4 mois pour okay. Le lancement de... Ouais. Wow. Comment est-ce qu'ils t'ont découvert? Comment ils t'ont approché? Je pense que t'étais pas mal en demande, il y avait plusieurs ouais, compagnies. Au début, ouais, c'est ça, quand même, tu sais... Sans prétention, j'étais content. Il y avait une curiosité, en tout cas, il y avait un intérêt. C'est sûr que, comme on dit, les Français, il y en a toujours 10. Puis quand vient le temps de signer, il y en a moins. Mais ça a été long. Dès le début, il y avait des majors, je me souviens, je peux pas les nommer dans le fond, mais tu sais, ouais. Au début, qui étaient là, il y avait un intérêt. Puis après ça, c'était des labels indés qui nous donnaient plus de réponses. Mm-hmm. On était sur le point de signer avec un label indé, finalement, comme... Moi, j'ai un gérant là-bas, maintenant, que j'ai rencontré quand je suis allé jouer au Printemps de Bourges. Quand j'étais à mi-chemin, justement, de l'album, là, quand ouais. J'ai rencontré Emmanuel et tout. Puis lui, il m'a dit, donnez-moi quelques semaines. Il y avait Sony et Arista qui étaient vraiment intéressés. Ils ont vraiment eu un coup de cœur. Fait que laissez-moi essayer de conclure ça. Fait que finalement, on a signé avec eux. Puis je suis allé rencontrer l'équipe. Puis c'est du monde jeune qui croit vraiment à la musique trip. De gauche. Mm-hmm. Puis que, ouais, vraiment, je suis en bonne main. Ouais. C'est cool, ça va aider, c'est sûr, ta carrière. Hein, ouais, mais c'est sûr, j'imagine. C'est sûr. Ben, s'ils croient, tu sais. Ouais. Mais justement, après ça, qu'est-ce qui peut battre la France ou l'Europe? Est-ce que tu penses te faire approcher? Est-ce que c'est déjà peut-être en cours de route? Sûrement que tu peux pas parler des projets spécifiques. Non, vas-y. J'imagine que tu vas peut-être percer ailleurs encore qu'en France, c'est dans tous les pays francophones. C'est sûr que j'aimerais me... Ouais. Ben, c'est sûr que je vais me promener comme ce qu'on appelle le Benelux, là, toute ouais. L'Europe francophone. C'est sûr que j'aimerais ça aller, même si c'est des petits shows, c'est comme aller en Allemagne, tout ça, ouais. C'est possible. T'sais. C'est ça qui est bien avec l'Europe, tout devient possible un peu. T'sais. C'est sûr que mon rêve ultime, ce serait d'aller au Japon. Okay. Mais... T'sais, tout se peut au Japon aussi, tu sais. Puis on entend parler avec du travail, tu sais, sans devenir une star. Moi, ouais. Tu sais, comme je dis, ce qui m'a fait, ce qui me rend le plus heureux, c'est de voyager avec ce que j'aime, tu sais. Fait que me promener, puis c'est pas devenir une star locale, tu sais, c'est de me promener, c'est ça mon mon but dans la vie. T'sais. C'est génial. Donc, on va parler du spectacle qui s'en vient à Trois-Rivières. Je sais que c'est encore un peu loin. Donc, tu as un spectacle qui s'en vient le 5 décembre à la Maison de la culture de Trois-Rivières, à la salle Louis-Philippe Poisson. Bloup, bloup. Donc, donne-nous envie d'y aller un petit peu, mettons. C'est dans le futur, mais est-ce que tu vas jouer ton album au complet? En général, même les nouvelles pièces, je réussis à les en spectacle, je les place. Un filet comme un poisson. Ben oui, exactement. Puis non, je décide de... Tu sais, le pacing, c'est sûr qu'on le rôde de plus en plus. On fait... Mais c'est les tunes du premier album, du deuxième album, mélangées ensemble. Puis, il y a toujours des chansons en suspens. Il y a des chansons que les gars savent qu'il faut que ça en aille. Puis que finalement, je reste seul, mais je peux décider d'en faire une seule. Je peux décider d'en faire cinq seul. Tu sais, ça dépend toujours. J'aime ça garder un côté encore aléatoire à tout ça. Parce que ça, sinon, j'ai l'impression d'appuyer sur play. Puis que c'est une cassette qui joue. Ou sur Repeater Peter. Ouais, sur Repeater Peter. Wow, ouais, on dirait que tu l'as écrit avant. Mais non, étrangement. question petite séduction un peu Danny Turcotte, qu'est-ce que Trois-Rivières pourrait faire, mettons, tu sais, aussi loufoque soit à la demande là, pour te charmer? Me charmer, je pense avec des fleurs, des j'arrive comme au lieu d'un tapis rouge, un tapis de fleurs. Mm-hmm. Ça me charmerait vraiment. Puis si connaissent les paroles de les chanter du début à la fin aussi, ça va me charmer. Je vais revenir à ce moment-là. Mais seulement dans ce cas-là. Seulement dans ce cas-là. On va donner un dernier mot là, en te laissant choisir la pièce avec laquelle on va se quitter. C'est ce qu'on aime faire ici. Peu importe laquelle, peu importe son ambiance, sa durée, son potentiel radio, entre gros guillemets. Donc, gâte-toi et gâte-nous avec une chanson. Ton choix de toi, évidemment. Ouais, je te dirais, deuxième album, je dirais MDMA, tu sais. C'est une chanson qu'on met rarement en onde, j'ai l'impression. Puis c'est une des bonnes chansons, je trouve. Puis autant quand je la fais seule que quand je la fais avec le gros groupe. C'est une chanson, premièrement, qui parle de drogue, tu sais. Puis je sens que ce soit un tabou, tu sais. C'est des choses, c'est des expériences qu'on a. Puis des fois que la censure fait que... on peut pas mettre une chanson qui s'appelle MDMA, fait que mettez MDMA, je vais être heureux et je vais revenir à Trois-Rivières. Merveille. Ah, Caroline, si on peut aider encore plus, si j'avais des fleurs. Ça. En tout cas, merci beaucoup, Peter. Merveilleux, merci à toi. À bientôt. Personne, personne, personne. C'était Peter Peter et la pièce MDMA. Au Palmarès c'est fou et on remercie Peter Peter évidemment pour son entrevue qu'il nous a accordée la semaine passée dans nos studios spacieux. Spacieux. Oui. Et pour ceux qui nous écoutent le jeudi, on a un concours pour vous. En fait, on a un CD signé ainsi qu'une affiche de Peter Peter à vous donner. Donc, appelez-nous au... Oh, 819-376-5183. Oui, 819-376-5183 pour tout ça. Évidemment, aussi que la chanson commencera, en fait, la publicité qui s'en vient. Pour l'instant, on va faire un petit tour de ce qu'on saute en cette heure top 10 des Palmarès C'est fou. On saute les positions 8, 7 et 6 en anglophone San Cisco, Danuser Bones et Nico Case. Alors que du côté francophone, on saute par-dessus Ta cadence de Navarre. En 7e place, L'homme éléphant de El Motor. Et finalement, en 6e, Don't Get La de Mister Valère. Voilà, on n'aura pas joué grand-chose, les positions 10 et 9 seulement dans cette édition, mais c'est pas grave. On se retrouve soit dans quelques minutes pour les gens qui nous écoutent le jeudi ou le dimanche. Si vous écoutez la version quotidienne qui est du lundi au mercredi entre 17h et 18h, ce sera demain. Demain. Demain. Voilà. Fait que à tantôt. Bye. Bye. Bonjour et bienvenue à cette édition top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous dans notre humble maison. Oui. Le studio qu'on appelle. Il y en a qui diraient le cubicule. Le cubicule? Dans Radio Enfant, l'antenne disait le cubicule au studio. Je trouvais ça bizarre un peu. Ah ouais? Ouais, c'est un peu bizarre. Mais oui, bon. Étrange. Donc, heure top 5 des Palmarès qui va bien sûr contenir, attention, le top 5. Bravo. Bravo, merci. Merci beaucoup. Donc, en 5e position anglophone, ce sera Ashtra qui monte de 12 places avec Home. Et c'est l'ancien numéro 1. On s'en va entendre une année de travail de la question. Mon cœur est brisé. Fendu en deux, tel un jeu de Fruit Ninja qui t'aurait attaqué le cœur. Ça n'a pas duré longtemps, la mode du Fruit Ninja, il me semble. 2 secondes et quart. En tout cas, pour moi, j'ai détesté ça. Jamais. 5. Et Home, qui monte de 12, c'est la cinquième position du côté anglophone. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1, une année de travail de la question. Mm-hmm. Que dirais-tu de continuer tout de suite avec les positions numéro 4? Why not? Because, du côté anglophone, It Will Be Braids et Fruin qui monte de 4. Et ça monte de 12, c'est Accident de char de Mimi Van Der Glo. Au palmarès, c'est fou! 89 FM. Avoir que nos deux mains se touchent et qu'elles ne fassent plus qu'une seule. Les mains m'ont dit t'es fort, soudé par le choc. Un peu plus et c'est là qu'on explose. Un peu plus et puis c'est drôle. Les neiges, la vitre, la cage.

C'était les gens de Braids et l'excellente pièce Fruin qui monte de 4 places en position anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Accident de char de Mimi Van Der Glue. Tu sais, quand quelque chose te dit, quand quelqu'un te dit quelque chose de vraiment anonyme que tu es supposé tenir sa mort, tu dis jamais, tu sais, un secret professionnel ou autre personnel, tu sais, et puis là, il te l'écrit par courriel, mettons, t'as juste envie d'imprimer le courriel et de le déchiqueter, tu sais. Juste pour être sûr que ça soit fini mort, là. Une couche de sûreté de plus, ça a jamais fait de mal à personne, tu sais. Mettre de liquid paper dans ton écran, aussi d'ordi, ça oui. peut être. Et sur le courriel, quand tu déchiquettes, une fois qu'il est déchiqueté, là, tu mets du liquid paper sur chacune des restes de chacun des restes de la phrase, tu sais. Ah, ben oui. Logique, là. Mm. C'est bon. C'est safe. Mieux vaut safe que sorry. Oui, c'est. OK. C'est comme ta prononciation du prénom Kenny tantôt, je trouvais ça drôle. Kenny. Kenny? En rond, là. Kenny, moi, c'est sorry. Sorry. Les accents aigus en anglais, ça n'existe pas vraiment, mais. Non. Sorry. Ouais, mais ça s'écrivait pas avec un accent aigu non plus. Non. Donc, position numéro 3 du côté anglophone, c'est Imaginary Cities et Sooner or Later, c'est l'ancien numéro 1. Pourquoi ça l'est plus? Sorry. Ah. Et du côté francophone, on s'en va entendre Gros Boc des frères Goyette. Hey, c'est tellement bon, j'écouterai ça toute la soirée. La soirée. La soirée. T'es raté un peu. Hey, c'est les Palmarès, c'est fou, édition. Et top 5! Ben loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Mais tiens, au minimum, t'auras été low profile. Au moins, essaye de mettre de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse cour, chante le jour pis dans la nuit. Coiffe mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. Un bungalow dans Graceland, fan d'Elvis. Memphis qui débarque, Memphis d'un coulisse. Un bon ego, 10, 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fit dans sous en way. Bouge comme le king en way. Bouge. M'inspire ailleurs, à l'idée. Cash, j'en connais une coupe cash. Mon anse, sème le doute. Mais le man dans le temps, sans jamais me tenir au courant. Marche mes classiques, fais la barbe aux jeunes dans le cirque. Concert chanceux à Londres, une bière en fût, ben loin de monde. Check, one, two, manque mon minute, moi de prendre moins de kick. J'suis pas le king dans la place, ma carrière a l'air d'une vraie farce. Ça manque d'écoute, ça jase en masse, ça se crisse de tout. Peur à mon meilleur, brûle les planches, une et une, tour à tour. Les geeks sont brunes, mais l'espoir d'en avoir une bonne me reste dans la tête, je garde espoir, me garde du fun. rechante-la. C'est drôle quand elle chante. Mais là, pas de même, ma frette. Je vais te mettre un fond. Sooner or later. Donc, Sooner or Later, Imagineering Cities, lancé numéro 1, maintenant 3e place anglophone. Et tout juste avant, on a entendu gros bac des frères Goyette, ça a monté de 1, 2, 3, 4, 15 places. 5? OK. 5, 6, 15 places. Oui, oui, ben 8 moins 5, 3, donc ouais, 15 places. Ouais, ouais. Non, non, moi je faisais 3, OK, là maintenant 3, là j'allais jusqu'à 8 avec mes doigts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas un peu long, me semble, comme technique de mathématiques, je sais pas, me semble, c'est un peu long. Ben, le résultat est le même, ça donne 15. OK. Numéro 2, maintenant du côté anglophone, c'est The Cat Empire qui est stable avec Brighter Than Gold. Yeah. Et du côté francophone, j'aime ça, de les Hand Claps. OK, donc c'était en 11e la semaine passée, c'est rendu en 2e, 1 plus 1 égale 2, c'est ça? Hein? Exactement. C'est ça. C'est les pas assez fou édition top à taper 1, 2, 3, 4. 5 moins 3, j'aurais tes 1. 5! west, west, southbound with a beat and all the lines. Rides and preachers come down into the street. Canapé, Brighter Than Gold. Veux-tu qu'on fasse un petit comprenons la don la chanson? Hein? Mais avant ça, dis le ce qu'on vient d'entendre en francophone avant ça. Hein? Hein? Oui, du côté francophone, on a entendu J'aime ça de Les Handlaps. Oui! Comprenons la don la chanson, ça fait un petit bout qu'on a pas fait ça. C'est où on essaie de traduire un peu les paroles qu'on comprend pas dans une chanson. Qu'on entend juste pas parce que c'est chanté bizarre. C'est ça. Donc le refrain, le All Night Awake. Bon, c'est All Night Awake, toute la nuit éveillée. In the moonlight, I'm with you. Donc, au clair de lune, je suis avec toi. In the moonlight, I'm with you. Brighter than gold. Donc, je suis au clair de lune avec toi. Plus brillant que l'or. Ah. C'est beau, hein? Ça serait... Ben, c'est ça. C'est le refrain, ça. OK. OK? Ouais. On comprend? Ouais. OK. Donc, avant de continuer avec la première position, plus tard dans l'émission, là, pas tout de suite, et regarder un petit peu ce qu'on a sauté plus tôt dans nos précédentes heures des Paparazzi Fous. On va regarder un mouton. Un mouton. Comme un saute-mouton. C'est ça, exactement. On a sauté un mouton. On a sauté quelques moutons, en fait. Mais on va regarder ce qui se passe ailleurs dans les Paparazzi, parce que pour ceux qui se trompent. C'était un éléphant. Il n'y a pas seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone dans les Paparazzi Fous. Non. On a aussi plein d'autres choses, donc je te laisse commencer. Mais oui, on a le top 30 des albums. Je te laisse recommencer. Parce que tu l'as mal dit. On a le top 30 des albums. On a une nouvelle entrée avec The Optic et l'album Negativity. Et sinon, on a le top 3 en troisième place. C'est Imaginary Cities avec l'album Fall of Romance. En deuxième, c'est stable, c'est The Cat Empire avec Still the Light. Et finalement, en première place, ça fait une grosse montée de 18 places. Et c'est MGMT avec l'album MGMT. Aussi, on a le top 3 des disques canadiens. En troisième place, c'est Ostra avec l'album Olympia. En deuxième place, sa montée de 6, c'est Braids et l'album Flourish Perish. Et finalement, c'est stable en première place avec Imaginary Cities et l'album Fall of Romance. Oh yeah! Oh yeah, dans Top 10 Loud, la nouvelle entrée en 10e place est occupée par Dream Theater et leur album homonyme. Ensuite, l'autre nouvelle entrée est en numéro 1, donc je vais faire le top 3. Position numéro 3, c'est l'ancienne première place, Satan et Life Sentence. En deuxième, c'est stable, Revocation avec Revocation. Et en première, c'est Carcass, nouvelle entrée avec Surgical Steel. Dans le top 5 des musiques du monde maintenant, une nouvelle entrée en dernière place, la cinquième, c'est Mulatu Astatke featuring Fatoumata Diawara avec Surma. Mm-hmm. Dans le top 3, ça monte de 2 places, Anachronic Electro Orchestra et Cabalistic Snare. En deuxième, c'est stable, Anushka Shankar featuring Nora Jones et l'album Anushka Shankar featuring Nora Jones. Et en première place, c'est... Oh wow, en effet. Et en première place, c'est stable, Tammy Crest avec l'album... On l'a fait le même jeu de mots la semaine passée, Imagine ma bisoune. Emanine Bas Zisoun. C'est assez facile là, de s'amuser avec ça. Assez facile, en effet. Oh, wow! Faut garder notre cœur jeune. Faut prendre cette chanson-là pour chaque fond des Paparazzi assez fou, je trouve. Ben oui! Tellement. C'est quand ça dit « Oh yeah! Oh wow! » Allons voir pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Oh wow! On y va pas tout de suite avec le numéro 1. On va reculer un petit peu dans les précédentes heures des Paparazzi Fous. On avait sauté quelques affaires, donc ça va être considéré comme des pièces bonus maintenant. Donc on terminera ce bloc avec Paper Maps et la 12e position anglophone de Hedonist. Mais on commence avec la 13e francophone qui est la fièvre des fleurs de Claude Pelgag. C'est au Paparazzi Fous, édition top 5! 5! Même ça, c'est pas dans le top 5. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie.

C'était du côté anglophone, une pièce bonus de Paper Maps et The Hedonist. Et du côté francophone, c'était quoi, donc? C'était Claude Pelgag. La fièvre des flancs de Claude Pelgag. J'avais le doigt sur le chiffre. C'est ça. Mais si on est en train de faire des pièces bonus qu'on avait sautées précédemment, là, avant de faire jouer le numéro 1, et on a encore de la place pour un autre bloc de pièces bonus. Yeah! Colorier! Oui. Du côté anglophone, c'est la sixième place qu'on s'en va entendre. Nico Casey, Man qui monte de 3. Alors que du côté francophone, ça baissait de 2 petites places. C'est en 7e et c'est L'Homme éléphant de El Motor. Au palmarès, c'est fou. C'est l'édition top 5, mais avec d'autres tunes que le top 5. C'est un peu mal, hein? Mais non. Bonsoir, chérie, m'entends-tu? Quand l'alarme est partie, pardonne-moi. Je t'ai laissé au milieu du soleil. J'avais peur que tu me demandes la main au milieu des flammes. J'avais peur, jamais le confort. directly. And if some dipshit drunk on pink perfume, then I'm the man in the fucking moon. Cause you didn't know what a man was until I saw you. Nico King. La pièce Man en sixième position anglophone. Et du côté francophone, c'était la septième place, L'homme éléphant de El Motor. C'est un petit bloc de pièces bonus qu'on avait sauté. C'est mêlant. Non, arrête d'en dire que c'est mêlant. C'est pas parce qu'on est mêlé que c'est mêlant. On est juste facile à mêler. Mais veux-tu être encore plus mêlé? Oui, donc. Parce que c'est le moment de faire des jeux de mots poche pour les numéros 1. Oh! Fait qu'à un moment donné, si t'as pas mêlant, c'est comme l'essentiel. C'est la base même de la vie. C'est comme quand tu fais une liste d'épicerie, qu'est-ce que tu mets dessus? Tu sais, tu mets du beurre, tu mets du lait, tu mets un petit pain. You know? I know. Oui, c'est comme un petit peintre. C'est comme quelqu'un qui doit vraiment tout le temps monter sur un escabeau, même quand il veut faire juste le deuxième mètre de la hauteur du mur, parce que c'est un petit peintre. Un petit peintre. Ouais. Ouais. Non? Ouais. Mettons, je sais pas, un orignal qui ferait de la peinture. Un orignal avec ses cornes, ça serait un petit peu long à faire le mur au complet. Hein? Panache, avec tes panaches. Hein? C'est ça. Ouais, je sais. Non, ils sont pas tout le temps bons, là. Je sais que moi, je me dis tout le temps, mes jeux de mots sont vraiment bons, tu sais. La plupart des semaines, je suis comme vraiment fier de mes jeux de mots, tu sais. Après ça, je réalise que, tu sais, comme mettons cette semaine, mes jeux de mots sont vraiment, vraiment mauvais. Mais ma vie au complet est comme un mensonge. Parce que je suis, tu sais, quand t'es poche une fois, poche pour toujours. Tu sais? Genre. OK. C'est un peu ça. C'est fini? Ben, j'ai pas vraiment de jeux de mots à faire avec MGMT. Comme my God, Mathieu! T'es hot, mettons. Non, j'aurais rajouté un P à la fin, alors t'es poche. Ouais, ou encore, t'sais, MGMT, t'sais, ma jauge. C'est comme ça qu'on appelle ça, comme au gaz, là. Ta jauge. Mais comment on appelle ça? Ça commence pas par un J, ça? Je sais pas. Tu sais, le truc de gaz là, qui dit si t'es à full ou à MT. MGMT. Ah, oh, MT, oh! Ma machine à gag, MG, est à MT. Oh! Et vide. OK. J'ai essayé de me récupérer tout racheté, ça. Oh, wow! Non, j'aime ça. Merci. MT, OK. Mais en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas compris, moi, je vous dis qu'on s'en va entendre la première place anglophone. Ça a monté de 18 parce que c'était une nouvelle entrée la semaine dernière et c'est Your Life is a Lie de MGMT. Mais tout juste avant, le numéro 1 francophone, c'est Petit Pain de Panache. Au palais, c'est fou! Édition top 5! Pas pour l'instant. première position. Here's the deal. Open your eyes. Your life is a lie. Don't say a word. I'll tell you why. You're living a lie. Your life is a lie. But you deny. You live a lie. Wondering why. Barely alive. Count your friends on your hands. Now look again. And lost your friends. Hold your breath. Everyone left. No surprise. Living a lie. Tell your wife. This is your life. You left a lie. This is your wife. Now she knows. She understands. Her life is a lie. Nobody wins. Try not to cry. You will survive. On your own. Lessons in life. Your life is a lie. Now there's no time. Wondering why. Where in the world is that girl who knows it's alright to live a life waiting to die, not knowing that your life is a lie. Wondering why nobody writes. Hollow inside, bitter delight. Fire and ice. Your life is a lie. C'était les premières positions de chaque côté. Du côté anglophone, on a entendu MGMT et Your Life is a Lie qui montent de 18 places. C'était une nouvelle entrée semaine passée. Ouh, alors que du côté francophone, ça montait d'une petite place et c'était Petit Pain de Petit Panache. Non, juste Panache. Alors voilà pour le top 5 des Palmarès C'est Fou et c'est tout pour cette semaine au complet pour les Palmarès C'est Fou. Ben ouais. Et voilà, c'est déjà fini. On se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h en direct. Ensuite, dimanche entre midi et 15h. Et je vous rappelle la rediffusion quotidienne lundi, mardi, mercredi entre 17 et 18h. Lundi New Shit, mardi top 10 et mercredi top 5. Et voilà. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Est-ce qu'on se retrouve à Assemblage Requis du lundi au jeudi à 6h30? Peut-être, si je me lève. D'accord, ouais, ça a l'air difficile cette année, mais bon. Allez voir cifou.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une pièce bonus, encore une fois, qu'on a sauté plus tôt dans l'émission. C'est la position numéro 15 du côté franco. Et on s'en va entendre Coup de vent de Summerland. Voilà. Ça fait ça juste du vent. Je vais y rien dire. On l'a chanté de même sur Dieu.